chaque pas forge son étoile. De rustodoc brumeux, chaque monde l'observe. Chaque ombre, chaque bruit, l'attention conserve. La brume colle au bord, les murs suintent les forts, bas et barricades sont des pièces sur l'échiquier fort. Chaque clou, chaque plan devient stratégie sacrée. Les voiles frémissent